Y aura-t-il un après-Covid-19 pour la recherche biomédicale? Qu'est-ce que cette pandémie est en train de changer dans la façon de faire de la recherche, dans la rapidité, l'urgence, la coopération, mais aussi l'abondance de la production scientifique? Pour se poser toutes ces questions, encore faut-il analyser la façon dont les scientifiques ont appréhendé l'arrivée de ce nouveau virus. Était-il possible de le prévoir? La réaction a-t-elle été à la hauteur des enjeux sanitaires? L'Organisation mondiale de la santé a-t-elle joué son rôle auprès des scientifiques et des gouvernants? Et cette crise nous oblige-t-elle à revoir le rapport entre politique et scientifique? Autant de questions que nous allons aborder avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, la microbiologiste Pascale Cossard. Coronavirus, comment penser la science d'après? C'est le programme Projectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Pascale Cossard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette reprise d'antenne en cette journée spéciale sur France Culture. Imagine le monde de demain après 6 semaines de confinement. J'en profite pour saluer ici toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui nous ont suivis dans la chronique quotidienne Radiographie du coronavirus chaque matin à 8h55 dans les matins de Guillaume Erner à travers les idées claires ou dans les live vidéo de questions-réponses sur les réseaux sociaux chaque mercredi à 9h. Merci donc à toutes et à tous d'avoir maintenu ce contact si précieux entre nous et j'avoue que c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons, l'équipe de la méthode scientifique et moi-même, pour cette émission spéciale. Et donc, merci à vous, Pascale Cossard, d'être avec nous pour discuter de ce que cette épidémie nouvelle a d'ores et déjà changé et va peut-être continuer à bouleverser à l'avenir dans tous les domaines que j'indiquais en introduction. Je rappelle que vous êtes donc microbiologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences depuis 2016. Vous avez également co-dirigé le LabEx de biologie intégrative des maladies infectieuses émergentes. Ce sera important dans notre discussion tout à l'heure. Et pour commencer, Pascale Cossard, eh bien peut-être tout simplement, on pourrait fixer cette règle qui nous divise à la rédaction et on va s'y tenir pendant toute l'émission. Est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid? On dit le Covid, mais en fait, le mot Covid a rapport à la maladie. Le SRAS, c'est le virus. Donc normalement, on devrait dire la Covid, mais j'ai jamais entendu personne dire le Covid. Mais bah, à France Culture, on s'est arraché les cheveux pour dire le ou la. Donc on va dire le Covid avec vous pendant toute cette heure et on va s'y tenir. Alors, ceci étant posé, je pense que vous serez d'accord avec l'euphémisme selon lequel l'ampleur de cette pandémie a pris tout le monde de court et même la communauté scientifique au premier chef. Oui, c'est vrai qu'on a commencé à comprendre assez vite quand même, début mars, qu'il se passait des choses, mais jamais on n'aurait imaginé que ça aurait été à ce point-là. Ceci dit, c'est un tout petit peu dommage parce qu'il se passait des choses en Italie, on les regardait, mais on aurait dû les regarder beaucoup plus vite et beaucoup plus en se disant que ça allait se passer chez nous, mais on a été un tout petit peu peut-être rêveurs, je ne sais pas. En tout cas, des gens comme moi, on a été quand même extrêmement surpris, début mars, de ce dérapage et de tout ce qui s'est passé, quoi. Et quand on regarde, alors c'est évidemment toujours facile de juger les choses rétrospectivement, mais on voit qu'il y avait tout de même un certain nombre de signes annonciateurs, non pas de la maladie en elle-même, mais de la possibilité que ce type de pandémie se produise. Et je pense par exemple à l'OMS qui en 2018 a ajouté une alerte à propos de ce qu'elle appelait la maladie X, le clade X, une maladie hypothétique qui pourrait provoquer une épidémie grave à l'échelle mondiale. Ces espèces d'alertes, de petits signaux d'alerte, comment se fait-il que personne ne les ait pris au sérieux? Ah si, on les prenait au sérieux. On a pris au sérieux toutes les alertes. On a eu des alertes par d'autres maladies émergentes, puisqu'on a eu des alertes avec le chikungunya, avec Ebola. Donc, on était tout à fait conscients qu'une maladie émergente pouvait arriver. Mais une maladie émergente qui prenne des proportions comme celle-là, c'était quand même un peu inattendu, on va dire. On a des maladies qui sont, par exemple, véhiculées par des moustiques comme chikungunya ou Zika, et qui donc s'arrêtent au moment où il y a des changements de saison parce que les moustiques ne véhiculent plus la maladie, donc les épidémies s'arrêtent. Là, on a une épidémie qui peut passer d'homme à homme et qui se propage avec une contagiosité absolument exceptionnelle. Ça, c'est une des caractéristiques de ce virus, c'est qu'il est extrêmement contagieux. Donc, oui, on est vraiment dans un phénomène tout à fait nouveau. La contagiosité, on va la rappeler, on a longtemps dit pendant, à partir des études chinoises qu'elle était, que le R0, donc le taux de reproduction de la maladie, le nombre de personnes qui sont contaminées par un malade était de 2,5. Aujourd'hui, les projections et les modélisations de l'Institut Pasteur donnent pour l'Europe plutôt 3,3, c'est-à-dire entre 3 et 4 personnes qui seraient infectées. C'est effectivement élevé, mais c'est pas aussi élevé que d'autres maladies. On peut penser par exemple à la rougeole qui a un R0 de 13 ou 14, c'est une contagiosité qui est relativement, bon, si c'est vrai, peut-être un peu plus élevée que les maladies respiratoires classiques. Oui, c'est plus élevé que la grippe, par exemple. Mais vous savez, quand on est au-dessus de 1, on sait qu'on est déjà dans une épidémie, et là, on est vraiment dans une épidémie qui est assez impressionnante. La question qui se pose justement sur l'impréparation en quelque sorte et la surprise qui est l'ampleur de cette pandémie, c'est que donc le SARS-CoV-2 est un coronavirus. En 2003, ça s'était déjà produit avec le SARS-CoV-1 qui a produit l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui a été cantonné à la Chine. Mais du coup, en 2003, après ce SRAS, il y a beaucoup d'études qui ont été générées autour des coronavirus. Et on se dit, à quel moment, en fait, ces études sont tombées dans un trou? Et comment se fait-il qu'après le SRAS, après le MERS-CoV qui est arrivé quelques années après, donc avec des alertes sur le fait que les coronavirus passaient relativement facilement à l'homme, comment se fait-il que, bien, on n'est pas mieux anticipé ou mieux connu, finalement, ces coronavirus et poussé plus loin l'effort de recherche autour de ce type de virus spécifique? Alors vous savez, il y a beaucoup de maladies infectieuses, il y a beaucoup d'agents pathogènes, et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler sur les coronavirus, mais il y a des gens qui se sont mis à travailler sur chikungunya quand chikungunya est arrivé, sur Zika. Donc il faut se rendre compte qu'il faut une force de frappe absolument énorme sur les maladies infectieuses pour être prêt à rebondir sur des maladies qui arrivent. Donc c'est vrai qu'on aurait pu mettre le paquet un peu plus en France et ailleurs d'ailleurs sur les coronas, mais imaginez que dans un mois on ait une autre maladie, vous allez peut-être dire bah peut-être qu'on aurait dû garder un tout petit peu de force vive pour mettre ses forces sur la maladie qui est en train d'arriver. Donc je crois que ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que, d'abord, il faut renforcer la recherche sur les maladies infectieuses, c'est absolument évident. Il faut se garder un tout petit peu de place pour, justement, les émergences. Et tout à l'heure, vous avez mentionné que je dirigeais un laboratoire d'excellence sur les maladies émergentes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait à notre disposition un certain budget qu'on utilisait pour des travaux à moyen terme ou à long terme, mais on avait toujours gardé une somme d'argent pour pouvoir réagir. Et c'est ce qu'on avait fait quand il y avait eu Ebola ou quand il y avait eu Zika. Mais justement, c'est intéressant parce qu'à l'époque où vous dirigez ce laboratoire avec Philippe Sansonetti, qu'on a d'ailleurs pas mal entendu ces derniers jours à propos de cette épidémie, vous aviez mis en garde vous-même, hein, Pascal Cossard, sur le fait qu'il était absolument déterminant de sensibiliser sur ces maladies émergentes. Et on voit et on a entendu un certain nombre de témoignages de chercheurs qui travaillaient sur les coronavirus. Et finalement, bon, après le SRAS, avec une petite résurgence au moment du MERS, on se dit... Bon, ces maladies-là, finalement, elles sont relativement cantonnées, elles sont circonscrites, et donc, on a coupé leurs efforts de recherche. Est-ce que là-dessus, il y a quelque chose qui a été de l'impréparation, ou en tout cas, peut-être une mauvaise conception, finalement, une mauvaise appréhension du risque que ces coronavirus représentaient pour l'espèce humaine? Moi, je crois que c'est ça. C'est qu'il y avait peut-être une mauvaise appréhension que ça pourrait revenir avec l'intensité avec laquelle elle est revenue. Ça, c'est clair. Mais on pourrait très bien avoir d'autres maladies qui reviennent dues à des changements dans les génomes de virus ou dans les bactéries qui deviendraient résistantes à tous les antibiotiques, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie à l'heure actuelle. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un désengagement trop rapide de la recherche? Bruno Canard, qui disait, à partir de 2006-2007, qui avait travaillé sur le SRAS, il dit, Bruno Canard, notre groupe de recherche qui est spécialiste sur les virus ARN, il dit, notre groupe de recherche a eu de plus en plus de mal à se faire financer sur des projets sur le virus du SRAS, et on n'est pas les seuls, tout le monde s'en fichait de l'épidémie passée. Aujourd'hui, la politique de santé fonctionne un peu comme les réseaux sociaux, il y a une épidémie, on agit, on injecte des millions d'euros, puis on oublie. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à repenser profondément? Ah ben ça, je pense qu'on va complètement repenser. Ça, c'est absolument clair, parce qu'on est arrivé à un tel niveau de problèmes que la recherche va être complètement repensée. Mais c'est vrai aussi que c'est toute une politique de recherche qui doit être pensée. Vous savez très bien qu'il y a des recherches qui sont dirigées et il y a des recherches qui sont, selon les desiderata des chercheurs. Et si on fait confiance à certains chercheurs, ils proposent des programmes de recherche qui ne sont pas toujours honorés d'un côté, mais qui peuvent être honorés d'un autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenir une sorte d'effort de recherche qui serait plus continu, plus soutenu, et une recherche qui serait une recherche moins par à-coup, uniquement en réaction aux urgences épidémiologiques qui se présentent ? Absolument. Alors moi, mon idée, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une veille sanitaire un peu partout, mais je crois aussi qu'il faut un petit peu avoir confiance dans les gens qui se disent « j'ai envie de travailler sur ces problèmes-là parce qu'ils sont importants », et ça, c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus. Il faut avoir confiance dans les gens qui veulent mener jusqu'au bout leur projet. Bon, si Bruno Canard n'a pas pu poursuivre comme il aurait voulu, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que d'abord, c'est un grand scientifique, et qu'en plus, il avait sans doute senti qu'il fallait continuer. Mais alors, quels seraient justement les leviers pour éviter ce type d'effet, je vais le dire avec énormément de guillemets, mais de mode, c'est-à-dire de dire on réagit à l'urgence, on déploie une puissance, une force de frappe de recherche immédiate qui est très importante, et puis ensuite, il n'y a pas de droit de suite, ou en tout cas de poursuite de la recherche dans la durée. À quels endroits, quels sont les leviers que l'on pourrait appliquer pour permettre justement à Bruno Canard ou à des gens comme lui de poursuivre finalement ce type de recherche fondamentale au long cours, dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle est absolument nécessaire pour nous préparer à ce qui risque de se produire dans les prochaines années? Je pense qu'il faut multiplier tout ce qui est programme blanc, ou programme où on fait confiance à quelqu'un qui est un bon chercheur pour lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut. Parce qu'on s'est aperçu que, en général, si vous avez un chercheur qui a des bonnes idées, c'est là où la recherche est productive. J'aimerais citer les programmes de l'ERC où l'ERC, l'European Research Council, va donner de l'argent à des gens qui ont des programmes qu'ils ont bâtis. Et on leur fait confiance à ces gens. Je crois qu'il faut faire un tout petit peu plus confiance aux gens et justement ne pas aller vers toutes ces modes. Les effets de mode sont extrêmement mauvais, je crois. Donc, à l'heure actuelle, moi, ma position, ce serait de dire il faut maintenir une recherche sur le moyen terme, le long terme, des recherches qui soient, disons, profondes, et en même temps avoir la place pour que des gens compétents puissent réagir très vite si quelque chose d'inattendu est en train d'arriver. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et microbiologiste, est donc notre invité pour cette émission spéciale de la méthode scientifique dans cette journée thématique sur l'antenne de France Culture « Imagine le monde de demain ». Pascal Cossard, peut-être un mot justement en votre qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Comment l'Académie des sciences a réagi? Quel est aujourd'hui son rôle, sa fonction quand on est face à un état d'urgence sanitaire et surtout face à un déploiement très impressionnant de l'effort de recherche pour répondre à cette urgence? Alors, l'Académie des sciences a réagi à cet événement, d'abord en invitant des spécialistes à venir nous parler du coronavirus. Et là, c'était le mardi après-midi 10 mars, au cours duquel Arnaud Fontanet, Félix Rey, Philippe Sansonetti, Antoine Danchin nous ont parlé de ce qui était en train d'arriver. Le soir même, on a décidé qu'on fermait tous les locaux, que l'activité allait devoir se faire d'une façon totalement différente parce qu'on était devant vraiment un tsunami qui arrivait. Et je dois avouer qu'à l'Académie des sciences, nous avons convaincu nos autres académies sœurs, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences morales et politiques, qu'il fallait absolument changer nos habitudes et de fermer le palais du Quai Conti. Donc ça, c'est une première chose. C'était le 10 mars, donc une semaine avant la décision politique du confinement. Absolument, absolument. Nous avons pris, le personnel était très étonné, et nous avons donc pris cette décision-là. Donc le lendemain, tous les personnels ont été avertis et ça a été terminé. Donc ça, on était un peu en avance, disons, sur beaucoup d'autres institutions. Donc ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. La deuxième chose, c'est que donc à l'Académie des sciences, nous avons mis en place une cellule de crise coronavirus pour être capable de répondre, de réagir ou même d'informer sur cette épidémie, sur ce virus. Donc nous sommes à l'heure actuelle en train de finaliser des fiches, qui sont des fiches de spécialistes, à partir desquelles nous allons pouvoir créer des fiches grand public, nous allons mettre sur notre site, pour justement donner une information qui soit sérieuse, profonde, complètement scientifiquement irréfutable. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, c'est le rôle principal que nous souhaitons jouer, c'est-à-dire de vraiment informer la société sur cette épidémie, loin de toutes les sirènes qui sonnent très fort ou loin des fake news comme il en circule de temps en temps en ce moment. Donc voilà notre rôle. Ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'on vienne faire appel à nous pour justement intervenir sur des questions précises, quel est le rôle, je ne sais pas, le rôle de la sérologie, quel est le rôle des tests pour identifier, pour rechercher le virus, etc., etc. Le 10 mars, c'est aussi la date à laquelle le gouvernement a désigné le conseil, le premier conseil scientifique, hein, celui qui est présidé par Jean-François Delfraissy, pour le conseiller justement sur la gestion de la crise. Alors, c'est peut-être un petit peu iconoclaste, mais est-ce que ça n'est pas aussi la fonction de l'Académie des sciences d'alerter les pouvoirs publics et d'être un peu dans un rôle de vigile finalement sur ce type de situation exceptionnelle? Alerter, bah nous on a alerté comme je viens de vous le raconter, c'est-à-dire qu'on a alerté toute l'académie, on a alerté tout le palais, on a mis tout de suite sur notre site web justement cette conférence qui était quand même assez alarmante, je dois le dire, elle a été regardée plus que toutes les autres conférences qu'on avait fait depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on a eu un rôle d'avertir la société à ce sujet-là. Mais nous ne sommes pas l'OMS, nous ne sommes pas veille sanitaire. Nous nous occupons de différentes thématiques, de beaucoup de disciplines. Donc les maladies infectieuses, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont les spécialités des académiciens. La question, c'est qu'on a le sentiment que, encore une fois, de manière générale, il y a effectivement, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, cette prise de cours hein, qui a surpris un petit peu tout le monde, mais que, comme vous l'avez aussi très très bien décrit, Pascal Cossard, dans ce moment et dans les semaines qui ont suivi, où beaucoup de recherches ont été publiées dans tous les sens, en prépublication, et d'ailleurs on reviendra sur cette question-là dans quelques instants, il a peut-être manqué justement un peu d'une parole unificatrice ou de quelque chose ou d'une institution ou de quelqu'un, d'une voix qui puisse un peu coordonner, qui puisse permettre autant aux citoyennes et aux citoyens qu'aux pouvoirs publics de trier un peu le bon grain de l'ivraie quel a pu être justement le rôle de l'Académie des sciences dans cette direction-là. Alors moi je trouve que c'est pas tout à fait à ce moment-là où il fallait trier les choses parce qu'il n'y avait rien à trier. Comme vous l'avez dit, le comité dirigé par Delfraissy a été créé à ce moment-là. Je trouve que le rôle de tri, il est plutôt maintenant, parce qu'on en a vu des choses se passer. Donc, si vous êtes en train de me dire qu'il faut que l'Académie des sciences, justement, joue le rôle de vraiment dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc., nous sommes complètement prêts à ça. Et cette cellule de crise que nous avons créée est exactement faite pour ça. C'est-à-dire que si des gens m'entendent aujourd'hui et se disent « Ah ben j'aimerais bien qu'un académicien vienne nous parler de telle facette de la maladie ou telle propriété du virus », nous sommes exactement là. Cette cellule de crise est exactement là pour réagir, pour informer. Et nous avons vraiment les spécialistes pour le faire. Mais je pense que ce n'était pas notre rôle, tout au début, de jouer l'information. On n'a pas une veille sanitaire à l'Académie des sciences. Ce n'est pas du tout notre rôle. Pour parler un peu de cette première phase, de cette première période, effectivement, on a le sentiment, et d'ailleurs, vous le disiez aussi, que et pour des raisons qu'on peut comprendre, que tout ça manquait peut-être d'un peu de coordination, que beaucoup de recherches sont parties un petit peu dans tous les sens et parfois de façon confuse, parfois reprises d'ailleurs de la même façon, de façon relativement confuse dans les médias, avec parfois certaines études réalisées à la va-vite avec des résultats qui sont peut-être un peu discutables, qui peuvent être ensuite évidemment confirmés ou infirmés. Mais est-ce que là, il n'y a pas quelque chose, en tout cas, à repenser aussi sur la façon dont la science communique avec la société via les médias et justement sur eh bien, peut-être une autorité de régulation, peut-être d'attention pour dire toutes les études ne se valent pas, il peut y avoir des défauts méthodologiques, il faut faire attention. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire quelque chose qui serait peut-être une sorte de filtre ou d'assistance à la compréhension ? Alors, moi je vais vous dire, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que les recherches sont parties dans tous les sens. Les recherches, au contraire, ce que je trouve formidable, c'est que toute la communauté scientifique française qui pouvait contribuer aux recherches sur le corona, c'est vraiment poser la question, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'y vais. Donc il y a eu un certain nombre d'endroits où il y a eu des appels à projets flash qui ont permis à certaines équipes de dire, ben, moi je pourrais peut-être apporter ma petite pierre de ce côté-ci ou de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que des appels à projets flash, Pascal Cossard ? Juste expliquez-nous en quelques mots. Un appel à projet flash, ça veut dire qu'il y a un appel à projet, par exemple, comme ça a été lancé par l'ARC aujourd'hui, qui dit, si vous avez envie de faire un projet, envoyez votre demande de subvention avant telle date, c'est-à-dire avec un délai extrêmement court, pour un projet qui pourrait être assez court. C'est pas du tout le genre de projet que vous soumettez normalement à l'Agence nationale de la recherche, à l'ANR, des projets qui durent pendant 3 ans, pendant 4 ans. Donc des projets flash, ça veut dire un projet qui est peut-être sur 6 mois, où vous allez vouloir tester telle hypothèse, peut-être telle hypothèse sur la façon dont le virus rentre dans les cellules, dont il sort des cellules, ou tel médicament, etc. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, j'ai trouvé qu'il y avait eu au contraire un essor formidable de tous les chercheurs, ou en tout cas dans l'environnement que je connais, pour essayer de se poser la question, est-ce que j'y vais et qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc de dire que les projets sont partis dans tous les sens, je ne suis pas d'accord de dire ça. C'est plutôt la communication scientifique de projets qui étaient juste en cours qui vous a donné cette impression-là. Mais je n'ai pas eu l'impression que ça partait dans tous les sens, parce qu'il fallait que ça parte. Il fallait que des gens s'intéressent à la façon dont le virus se propage, à la façon dont le virus arrive dans différentes personnes. Il fallait des gens qui se mettent à essayer de mettre au point des tests de sérodiagnostic. Il fallait qu'il y ait des gens qui se mettent à construire des virus recombinants pour faire des vaccins, etc. Donc, non, la recherche n'est pas partie dans tous les sens. Il y a quelques exceptions, je n'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, mais non, la recherche n'est pas partie dans tous les sens. Et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est qu'il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés pour des projets sur coronavirus, c'est-à-dire ciblés sur ça. Donc, ça veut dire que la France avait les moyens de donner à des chercheurs de l'argent pour pouvoir mener ces projets rapidement. Alors justement, dans cette temporalité bouleversée pour la recherche scientifique qui est l'urgence sanitaire déclenchée par la crise, il y a beaucoup de circuits, comme vous venez de le décrire, qui ont été raccourcis. Tout va beaucoup plus vite, notamment, et on pourra d'ailleurs en discuter parce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur ce qu'on appelle les pré-publications, c'est-à-dire finalement des publications qui ne sont pas revues par des comités de lecture, de revues à facteur d'impact, mais qui sont juste posées sur des sites et qui parfois d'ailleurs ont des impacts médiatiques peut-être un peu trop fort par rapport à l'ampleur des recherches, mais on y reviendra. Quel est votre point de vue sur cet argument qui dit aujourd'hui l'urgence est telle qu'il faut aller très vite, quitte à griller les étapes ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas griller certaines étapes. La recherche scientifique a besoin de rigueur, de méthode, de contrôle, d'essais qui soient refaits plusieurs fois pour pouvoir valider une technique, pour pouvoir valider un résultat. Donc, même si on est dans l'urgence, on ne peut pas brûler les étapes. On peut essayer d'anticiper un résultat pour mettre en route l'étape d'après, mais ça s'appelle pas brûler les étapes. Imaginez que vous faites, par exemple, un essai d'un vaccin de phase 1, vous vous dites, si cet essai est positif, je mettrai en route la phase 2. Bon, bah, peut-être que vous n'attendez pas la fin de la phase 1 pour essayer de produire du vaccin pour une éventuelle phase 2. Ça, ça ne s'appelle pas brûler les étapes, ça veut dire travailler vite pour anticiper, et ça, c'est beaucoup de travail. Mais non, il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que la recherche ne peut pas cautionner des résultats qui brûlent certaines étapes. Alors, on va mettre un peu les pieds dans le plat et regarder un peu les responsabilités collectives, tant médiatiques que politiques. Mais quelle leçon vous tirez de cet épisode qui a semé beaucoup de confusion dans la population et qui a abouti à beaucoup de tensions et d'incompréhensions autour de ces résultats préliminaires avec une méthodologie dont on a dit à plusieurs reprises qu'elle était très très discutable sur l'hydroxychloroquine. Est-ce que, par exemple, il n'aurait pas fallu procéder comme ça ? Quel est votre regard, Pascal Cossa ? Bon, d'abord, je n'ai pas trop envie d'en parler beaucoup parce que je trouve que des gens encore plus compétents que moi en statistique, en analyse des résultats, m'ont vraiment convaincu qu'il fallait absolument que ces études soient refaites de façon extrêmement systématique, avec des contrôles qui puissent recevoir le nom de contrôle. Donc là, c'est vraiment extrêmement regrettable. Et en plus, ça pollue l'opinion que la société a des chercheurs. Donc ça, c'est vraiment triste, moi, je trouve. Je ne vais pas dire qu'il y avait peut-être une piste. Mais s'il y avait une piste, aurait été tellement bien qu'elle soit prise avec vraiment des techniques, des technologies et vraiment une approche qui soit un peu rigoureuse. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans une crise comme celle-ci, c'est un peu la course à celui qui va être le premier, celui qui va sortir le premier médicament, etc. Et là, on arrive vraiment au débordement. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement regrettable. Voilà. Un mot, pas uniquement là-dessus, mais aussi sur les difficultés de communication entre les pouvoirs publics, les décideurs, les gouvernants et les scientifiques. On a l'impression, je vous le soumets, Pascal Cossard, vous allez me donner votre sentiment à ce propos, que là aussi, on a entendu le chef de l'État répéter à de multiples reprises dans plusieurs de ses discours à quel point toutes ces décisions étaient fondées sur la base des discussions que pouvaient avoir les gouvernants avec les équipes de recherche et avec les scientifiques. Et pourtant, on assiste, par exemple, effectivement, à une visite du chef de l'État aux équipes de l'IHU de Marseille. Est-ce que tout ça, là aussi, il n'y a pas quelque chose à revoir dans le dialogue entre les politiques et les scientifiques pour écarter, finalement, les risques d'instrumentalisation qu'on peut suspecter dans certaines de ces démarches ? Pour moi, c'est un résultat positif, c'est que cette crise montre que les scientifiques sont extrêmement importants pour la société. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Deuxièmement, que les politiques s'appuient sur des scientifiques ou se rendent compte qu'ils ont besoin de dialoguer avec les scientifiques. Mais tant mieux, c'est formidable. Moi, je suis très, très content parce qu'en fait, il y avait le monde de la recherche, le monde de la politique. On essaie beaucoup de parler, il y a des canaux, il y a par exemple l'OPEX qui nous permet d'être en contact entre chercheurs et les députés, les sénateurs, etc. Mais je trouve que cette crise va nous montrer qu'on a besoin de parler de plus en plus avec les politiques et avec les décideurs. Donc c'est un point qui est relativement positif. Alors, c'est vrai qu'il y avait des décisions à prendre et qu'on avait l'impression que les politiques disaient « on s'appuie sur les scientifiques, on s'appuie sur les… » Mais c'est bien, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, il y a quand même eu, par moments, une espèce de cacophonie qui est un petit peu regrettable quand certains scientifiques parlaient, d'autres scientifiques parlaient, etc. Bon, je trouve que ça, c'est triste, mais bon, on n'a pas pu l'empêcher. Donc, essayons d'éviter… soit des communications trop rapides, essayons d'éviter ce qu'on appelle les fake news, parce qu'il en circule un peu en ce moment, pensons qu'il y a quand même de très bons scientifiques qui font de la très bonne science et qui font qu'à l'heure actuelle, on avance dans la connaissance de la maladie, on avance dans la connaissance de ce virus. Est-ce que justement, dans cette perspective de l'après-épidémie, vous pensez que ce que nous sommes en train de vivre devrait nous amener à une réévaluation finalement de la place des scientifiques auprès des décideurs publics et auprès des gouvernants? On sait qu'en France, on est c'est pas tout à fait dans notre culture politique nationale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On pense évidemment à l'Allemagne où la chancelière Merkel est elle-même une scientifique. On pense à d'autres pays qui ont des conseillers scientifiques au plus proche du chef de l'État en dehors des temps de crise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Pascal Cossard, que cette crise que nous vivons aujourd'hui doit nous amener, devrait amener à augmenter l'attention des politiques envers la communauté scientifique? Bah, j'espère bien que les politiques se sont rendus compte que quand on a une crise sanitaire comme ça, on fait appel aux scientifiques et qu'on a en France toute une force vive de scientifiques de très haut niveau qui peuvent les aider. Et pour moi, je pense qu'on va arriver à une situation où les politiques vont respecter, vont vraiment essayer de se faire conseiller. Et en plus, je l'espère très très fort, qu'il va y avoir beaucoup plus de crédits qui vont être donnés à la recherche, puisqu'on se rend compte maintenant que toute la France est en train de dire on a besoin de sérodiagnostics, on a besoin du vaccin. Et bien pour tout ça, on a besoin de chercheurs et on a besoin de crédits. Donc pour moi, je pense que ça va changer la situation et ça va la changer en bien pour la recherche scientifique. Ça, pour moi, c'est clair. On va parler justement de cette après-crise, de cette après-épidémie de coronavirus dans quelques instants, se projeter justement sur aussi ce qui devrait peut-être être revu, transformé, peut-être un appel à une sorte de révolution scientifique dans l'approche de bien des maladies émergentes et pas uniquement. On en parle tout de suite après cette petite pause musicale. I want to find this girl I know, I need to take her out. I set a snare in evening air, made of faith and hope and doubt. I want to spend some time with her, learn the secrets of her trade. I wouldn't mean to cross the line and look into the other side. Forbidden to my kind, forbidden to my kind. To hang out with my love, the raven-headed sprite. I know I'll never dance like her or keep her up at night. I need to hang around with her, I need to let her know. Her cause is mine, I'm but a slave. I look into her wondrous gaze and taste the strangest chord and make the purest noise. What I would do to meet the girl I'd stand out in. If I could only write my wrongs and take her to my favorite place and steal a melody, 'cause I need only see her face, a thousand worries fall away and music rushes in. Belle and Sébastien, Everlasting News dans la méthode scientifique sur France Culture pour cette émission spéciale dans une journée elle-même spéciale de reprise d'antenne sur l'antenne de France Culture. Imagine le monde de demain. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette émission Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, microbiologiste, qui est notre invité pour parler, et bien maintenant, de l'après, de nous projeter dans ce que cette crise peut éventuellement changer dans notre rapport à la science et puis dans la façon même de faire de la science. Eh bien, quelle serait selon vous, Pascal Cossard, la leçon principale à tirer au moment où nous parlons aujourd'hui de ces 4 mois, depuis 4 mois, 4-5 mois depuis l'apparition du virus? La leçon principale que j'espère que la société va tirer, c'est qu'on a besoin de recherche pour comprendre des grands problèmes qui peuvent se poser. J'ai quand même entendu quelquefois, est-ce que vraiment la recherche c'est prioritaire? Mais c'est évident que là maintenant, tout le monde va se rendre compte qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin de recherche scientifique, on a besoin de recherche scientifique dans les maladies infectieuses pour la santé de toute la société. Ça, je pense que ça, c'est une prise de conscience qui va être extrêmement forte. Une des choses qui va sans doute changer aussi, c'est peut-être la mentalité par rapport au vaccin. On est quand même dans un pays où il y a un certain nombre de gens qui doutent sur le bien fondé de vacciner les enfants. Je pense que là, tout le monde est en train d'attendre le vaccin, de pleurer pour que ce vaccin arrive. Et c'est certain qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont qualifiés d'anti-vaccins, on ne les entend absolument pas. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un des grands changements qui va se passer. La ministre de la Recherche a annoncé hier matin sur notre antenne des chiffres, alors que je vous avoue qu'on a eu un peu de mal, on a essayé de gratter un peu et de les creuser, mais tout ça est un petit peu confus. En tout cas, il est question, mais c'est ce qu'avait déjà annoncé le chef de l'État, d'une augmentation de 5 milliards des crédits accordés à la recherche pour faire passer le budget de 15 à 20 milliards par an, mais tout ça sur 10 ans, ce qui ferait 500 millions d'euros par an. C'est des gros chiffres, alors il y aurait quelques enveloppes exceptionnelles supplémentaires qui aboutiraient donc à l'issue de ces 10 ans à un total de 25 milliards d'euros supplémentaires. Est-ce que ces mesures vous semblent être à la hauteur des enjeux qui ont été soulevés par cette crise sanitaire, Pascal Cossard ? Non, parce qu'en fait, ce qui était réclamé par les chercheurs auprès des politiques dans ces discussions qui ont eu lieu pour le plan pluriannuel de la recherche, c'était des chiffres qui étaient plus élevés que ça. Donc c'est déjà bien. On est déjà content qu'il y ait une augmentation, mais ça n'est pas suffisant pour être au niveau de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Donc j'espère que ceci va être revu à la hausse. C'est toujours effectivement un peu problématique parce qu'on a l'impression qu'on entend en permanence les chercheurs dire on a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus d'argent. On entend les gouvernants qui disent ah mais on vous donne plus d'argent et que personne n'est jamais content. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que ce dialogue-là entre le milieu de la recherche, dont on se rend compte évidemment aujourd'hui peut-être plus qu'hier qu'il est strictement indispensable, et les politiques n'est pas plus fluide? Comment est-ce que vous expliquez, vous, j'ai presque envie de vous demander, même plus au titre de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mais en tant que chercheuse, que les gouvernants qui veulent construire un pays sur l'avenir et sur un rayonnement international ne parient pas plus simplement dans la recherche, qui est précisément ce qui donne des clés, non seulement pour se préparer aux crises sanitaires, mais pour envisager précisément construire le monde d'après? Je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire et de ce dont on a besoin. On est quand même dans une société où les choses ont complètement changé depuis 50 ans. Toute cette mondialisation a fait qu'on a une société qui a complètement changé et la recherche n'a pas évolué dans le même sens. On dit que cette grande pandémie que nous avons est due au fait qu'il y a une mondialisation, que c'est dû à un problème de, à différents problèmes. Je pense que il faut se rendre compte que la recherche a besoin de moyens qui sont beaucoup plus importants. Alors il y a aussi autre chose, c'est que il y a des thématiques où il y a besoin de beaucoup d'argent, il y a des disciplines où il y a besoin un peu moins d'argent. Ce qu'il faut réaliser à l'heure actuelle, c'est que dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine de la microbiologie, de la virologie, de la parasitologie, c'était considéré comme des thématiques qui n'avaient peut-être pas besoin de gros moyens, par rapport, par exemple, à la physique nucléaire, par rapport à l'astrophysique. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous avons besoin de vraiment de très gros moyens pour faire avancer la recherche. C'est absolument indispensable pour travailler dans des conditions compétitives, j'ai envie de dire, par rapport aux autres pays. Alors il y a la question du financement, mais il y a la question aussi de la structure de la recherche. Il y a un papier qui a été publié dans la revue Science assez tôt, le 26 février, qui plaidait pour une culture de la recherche complètement nouvelle. Est-ce qu'à votre avis, Pascal Cossard, aujourd'hui, il faut effectivement changer nos façons de faire la recherche? Est-ce qu'aujourd'hui, le traditionnel publisher périche, la compétition entre les laboratoires, est-ce que tout ça doit être, a besoin d'un grand coup de frais, d'un grand coup de neuf? Bon, moi, il y a des choses qui doivent être changées, mais il y a des choses qui doivent être pérennisées. Par exemple, la France, contrairement à d'autres pays, a eu disons, une grande majorité de ces chercheurs qui étaient avec des postes permanents. Si vous avez un poste de chercheur quand vous êtes en tout début de carrière, vous pouvez avoir des projets qui sont à moyen terme, à long terme, et dans lequel vous faites des découvertes qui sont extrêmement importantes. Si vous êtes dès le début de votre carrière sur des, disons, des contrats de courte durée ou de moyenne durée, où vous ne savez pas ce que vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans, ça ne vous engage pas à avoir des projets ambitieux et des projets qui vont vraiment ouvrir des brèches dans la connaissance de tous les mécanismes scientifiques. Donc, je crois que on va changer des choses, mais il faut en garder. Donc, il faudrait absolument garder en France le fait qu'il faut qu'il y ait un grand nombre de chercheurs qui aient des postes permanents. Ça, c'est absolument très, très important. Il faut absolument que les chercheurs qui ont un métier dur, je sais qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont difficiles, et des salaires qui soient à la hauteur de ce qu'ils ont investi comme études, comme formation, comme sacrifice pour être compétent. Donc il y a une revalorisation de la recherche qui a été réclamée avant cette grande pandémie, mais qui doit être gardée à l'esprit pour que elle soit efficace. Dans les autres changements, c'est ça, il faut que les projets soient honorés par des crédits qui soient conséquents, il faut que les chercheurs soient aient la possibilité d'avoir des postes permanents, et il faut que il y ait suffisamment de crédits qui soient donnés dans tous les projets. On l'évoquait tout à l'heure et j'aimerais votre point de vue là-dessus, parce que ce que montre l'état d'urgence sanitaire et l'effort de recherche très important, peut-être qu'il faut encore le rappeler, mais c'est important de le dire, que on a l'impression que la recherche prend du temps et tâtonne pour trouver des remèdes ou pour des vaccins, mais il faut peut-être rappeler qu'on va à une vitesse qui n'a jamais été connue ou atteinte dans les années précédentes sur un pathogène émergent. La recherche va très très vite et extrêmement efficace en ce moment, et notamment via donc cette question des prépublications, ce qu'on appelle les préprints, c'est-à-dire que contrairement au trajet habituel de la recherche, où les laboratoires soumettent un papier à des revues, à comités de lecture, pour citer les plus célèbres, Nature, Science, The New Journal England of Medicine, The Lancet, donc, et qui mettent du temps, qui sont relus, qui sont corrigés, on renvoie les papiers en laboratoire, certaines manips sont refaites, bon, tout ça prend du temps, et donne, in fine, des papiers qui sont donc revus par des pairs, PIRS, donc par finalement la communauté scientifique du même milieu. Aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, la plupart des papiers sur lesquels nous nous basons, nous en tant que journalistes scientifiques, ce sont des prépublications. C'est-à-dire que ce sont des études qui sont déposées sur des sites comme BioArchive, MedArchive, qui ne sont pas revues et qui donnent lieu parfois aussi à un peu de confusion. Mais c'est, je peux vous donner des chiffres, 1200 papiers en préprint sur BioArchive et MedArchive contre, depuis le début de la crise, contre une vingtaine dans Nature Research ou une vingtaine également dans le New England Journal of Medicine. Est-ce que ça ne dit pas, peut-être Pascal Cossard, aujourd'hui que il y a une autre façon, open data, open source, de revues justement online qui permettrait d'aller un peu plus vite, de court-circuiter un peu cette voie des revues à facteurs d'impact qui a été aussi pas mal critiquée? Oui, mais alors attendez, vous dites qu'on a une nouvelle façon de travailler qui est que quand on a des résultats, on les met dans ces banques de données, enfin dans ces endroits qui s'appellent BioArchive, MedArchive. Bon, ça, ce sont des manuscrits qui n'ont pas été révélés. C'est bien parce qu'on prend date, on dit voilà, ce sont mes résultats, maintenant je les soumets aux grands journaux que vous avez cités, Nature, Science ou Cell. Avant la pandémie, on trouvait que c'était très bien parce que finalement, on avait pris date, les gens pouvaient voir qu'on avait un manuscrit qui était terminé et puis ce manuscrit allait être sans doute bien reviewé et être amélioré au fur et à mesure que les différentes versions seraient corrigées. À l'heure actuelle, exactement, d'ailleurs vous en parlez parce que vous voulez que je le dise, c'est qu'il y a un petit problème avec tous ces manuscrits qui sont mis online, qui est qu'ils ne sont pas révisés et qu'on peut raconter ce qu'on veut dans ce manuscrit, tirer les conclusions et qu'après les gens utilisent ces manuscrits pour les prendre comme argent comptant, comme si c'était des manuscrits qui étaient publiés. Oui, on est en train de se rendre compte, et on en a discuté plusieurs fois ces temps-ci, c'est qu'il y a un petit inconvénient avec cette façon de procéder. Moi, je suis moyennement pour cette façon de procéder, c'est-à-dire que je pense que le peer reviewing, le reviewing par les pairs, est extrêmement important. On a besoin d'avoir des gens qui regardent ce qu'on a fait, je trouve que ça, c'est extrêmement important. D'un autre côté, c'est bien aussi de pouvoir se partager les résultats, d'être au courant de ce qui se passe et tout. Donc, il faut un certain type de réglementation. Je pense que vous avez l'air d'en être tout à fait conscient vous-même aussi. non, mais si vous voulez, la question que je me pose, c'est que y a peut-être quelque chose à assouplir du côté du peer reviewing, ou alors je vais le formuler d'une autre façon, d'encourager, de favoriser finalement des formes de collaboration via les commentaires qu'on peut trouver sur ces sites de préprint, quelque chose qui serait finalement moins rigide que le passage traditionnel par les revues à facteur d'impact. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, finalement, pour ouvrir un peu cette question, dans le développement de la collaboration interlaboratoire plutôt que dans le publish and perish et la volonté de faire des annonces sur le parvis de l'hôpital, comme on a pu l'entendre pour peut-être les cas les plus caricaturaux? Non, mais la collaboration, c'est autre chose. Là, vous êtes en train de dire que c'est un problème de compétition qui fait qu'on a envie de soumettre son article sur BioArchive, pour être sûr que le compétiteur est au courant qu'on est en train de faire ça. Mais c'est un peu le cas. Oui et non, c'est un peu le cas, mais c'est aussi pour dire on prend date, parce que le peer reviewing est devenu de plus en plus long, de plus en plus sévère, que pour des étudiants qui sont en train de terminer une thèse, ou pour des gens qui sont en train de postuler à un poste, c'est important de montrer que leur travail est en quelque sorte très très avancé et presque publié. Mais moi, ma position, elle est qu'il faut quand même encore du peer reviewing, même si ce peer reviewing peut être avec le nom de ceux qui peer review, ou en tout cas qu'il soit plus transparent. Mais je pense que ça ne suffit pas d'aller sur des banques de données, appelons-le comme ça, comme BioArchives. Ça ne suffit pas pour qu'un papier soit considéré comme un résultat qui est complètement solide, acquis, et voilà. Non, je pense que... Parlons alors peut-être un peu de la question de la coopération internationale. Est-ce que vous avez le sentiment, Pascal Cossard, aujourd'hui, que dans l'état d'urgence de recherche, cette coopération est suffisante? Est-ce qu'elle est efficiente? Est-ce qu'elle permet justement à des laboratoires qui pourraient normalement être concurrents, finalement, de travailler en commun et d'accélérer le tempo de la recherche? Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, dans ce qui concerne le coronavirus, il y ait tant de coopération internationale. Pour le moment, moi, j'assiste à vraiment des travaux qui sont extrêmement menés en urgence, soit au niveau de la France, soit au niveau des États-Unis, soit ce qui se passe en Chine. C'est pas concurrent, mais c'est pas non plus en grande collaboration. La collaboration dans la recherche scientifique, elle existe énormément. Beaucoup des travaux que tout le monde fait se font en collaboration, soit dans un même institut, soit dans un même pays, soit au niveau international. Je crois que la collaboration, grâce à l'information qui peut circuler très vite, elle se passe extrêmement facilement. Pensez qu'il n'y a pas quelque chose justement à encourager là-dessus? Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose justement à changer, à penser différemment d'un laboratoire à l'autre, quand on voit que des laboratoires de recherche en Chine, en Allemagne ou en France, par exemple, travaillent sur une même hypothèse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser justement? Alors peut-être via, je ne sais pas, une superstructure internationale de type OMS ou liée à l'ONU, ou vers quelque chose qui permettrait justement d'augmenter, d'amplifier finalement ces mécaniques collaboratives? Je pense que encourager les collaborations, ça se fait au moment où les projets se mettent en place, c'est-à-dire avant même que ça se fait vraiment en amont. Vous voyez, si on a envie de travailler sur un sujet, on a envie de mettre en place une collaboration internationale, et ensuite on peut faire par exemple des demandes de crédit qui feront que le projet va se faire en collaboration. Donc Ça existe déjà, ça, ça existe déjà. Donc là, on est en train de parler d'une situation d'urgence où les gens n'avaient pas pensé en amont la collaboration. Donc c'est normal qu'à l'heure actuelle, on ait l'impression qu'il n'y ait pas une collaboration énorme sur ces travaux sur le coronavirus. Mais moi, je connais beaucoup d'autres projets où, après y avoir réfléchi, on établit des collaborations et on travaille ensemble. Donc ça, c'est... dire qu'il faut encourager la recherche internationale, c'est évident qu'il faut l'encourager, mais il faut l'encourager au moment où les projets naissent. Et comment on peut l'encourager, justement ? Ben, on peut l'encourager, par exemple, c'est ce qui se passe au niveau de l'Europe, quand vous avez des appels d'offres qui sont pour des projets collaboratifs. Eh bien, si c'est au niveau européen, on vous dit, voilà, vous aurez les crédits si vous êtes 2-3 équipes travaillant sur des facettes différentes d'un même problème, etc. Donc, il y a possibilité de collaboration internationale. Donc ce que je sens dans cette conversation, c'est que on veut extrapoler d'une situation d'urgence qui est quand même une situation très très exceptionnelle à des règles qui seraient valables pour la recherche en général. La recherche en général, elle est déjà très collaborative, justement pour des pays comme la France, grâce à des crédits qui sont donnés au niveau de l'Europe ou au niveau d'autres organismes internationaux. Il y a une idée qui a surgi, c'est pour ça que je vous emmène sur cette piste-là, Pascal Cossard, parce que il y a une idée qui a surgi qui serait la création d'une forme de GIEC de la santé, c'est-à-dire de groupe d'experts internationaux, au même titre que celui pour le climat, qui permettrait justement peut-être d'organiser des réseaux de collaboration internationale, de veille sanitaire, et qui permettrait peut-être, dans le cas d'une prochaine épidémie, de mieux réagir, de façon mieux coordonnée, en tout cas, à l'échelle internationale. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'en pense beaucoup de bien. Je pense que ça, ce serait vraiment formidable de pouvoir justement avoir une sorte de veille internationale et peut-être des signaux d'alarme sitôt qu'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. Non, je pense mais ça, c'est pas le rôle de l'OMS, normalement ? Non, l'OMS, c'est une organisation de veille sanitaire, si vous voulez, mais ils n'ont absolument aucun moyen financier. De recherche ? Oui, pour la recherche. Donc, c'est vraiment... une organisation qui avertit quand même et qui est bon, elle a été un peu lente, tout le monde l'a dit, à réagir, à annoncer qu'on était en pandémie, mais elle joue quand même un rôle extrêmement important et elle a quand même une sorte d'indépendance qui est vraiment que je trouve bien. Il faut maintenir l'OMS. Il ne faut pas faire comme ce que fait le président américain, c'est-à-dire retirer ses financements en disant que c'est une organisation obsolète qui finalement ne sert pas à rien et prend des crédits inutiles. Non, il ne faut surtout pas supprimer l'OMS pour le moment avant de pouvoir le remplacer avec autre chose. Donc là, pour le moment, sûrement pas. Sûrement pas. Et l'Académie des sciences dans tout ça, Pascal Cossard, est-ce qu'il y a des leçons qu'elle peut tirer justement de cette crise que nous traversons dans son rapport aux citoyennes et aux citoyens, mais aussi dans son rapport aux gouvernants et aux décideurs ? Est-ce qu'il y a un aggiornamento ou peut-être une façon de penser sa place dans la société, dans son lien entre le public, les dirigeants et les scientifiques ? Ah oui, ça je pense que c'est extrêmement important que surtout les politiques se rendent compte qu'ils ont une institution qui est faite de presque 300 personnes qui ont des compétences extrêmement solides. Et je ne demande qu'une chose, c'est que les politiques fassent de plus en plus appel à nous, puisque nous sommes à leur disposition. Ça, c'est absolument évident. Donc, nous allons tirer les leçons de pouvoir rentrer de plus en plus en contact avec les politiques, mais vous savez qu'à un moment donné, il faut que les deux aient envie de se rencontrer. Donc, c'est faut pas que ce soit une histoire d'amour unilatérale. Non, mais il faut aussi que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin des politiques, les politiques ont besoin de nous aussi. Et cette crise montre combien les scientifiques sont extrêmement importants pour justement conseiller le politique. Aujourd'hui, vous travaillez pour le deuxième conseil d'experts, le CAIR, qui est présidé par Françoise Barré-Sinoussi, à qui vous produisez des notes de synthèse, c'est bien cela ? Oui, vous avez l'air bien au courant. En fait, à l'Académie des sciences, donc, nous avons établi un certain nombre de fiches que nous allons transmettre justement demain matin pour les aider dans leur évaluation des projets, leur évaluation des décisions à prendre. Mais nous ne sommes pas le comité CARE. Donc, pour le moment, c'est juste, des relations qui sont, à mon avis, extrêmement importantes pour que la société ne dise pas il y a un premier comité qui est sous la direction de Monsieur Delfrécy, un deuxième comité sous la direction de Françoise Barré-Simoussi. Je pense que c'est très important que toute l'information circule pour que des décisions soient prises en commun, même si on ne fait pas vraiment partie du comité. Et pour conclure, dernière question, Pascal Cossard, est-ce que vous avez le sentiment, à titre personnel, que cette crise va vraiment changer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un monde d'après, ou est-ce que les choses vont reprendre leur cours et que tout cela va finalement vite être oublié? Oh non, moi je pense qu'il va y avoir vraiment un monde d'après, parce qu'on s'aperçoit que les maladies infectieuses sont extrêmement surprenantes, qu'elles sont extrêmement dangereuses, qu'on n'a pas les outils pour les combattre. On pensait, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les antibiotiques, avec les vaccins, qu'on allait se débarrasser de la majorité des maladies infectieuses. L'évolution a fait que la mondialisation, la baisse de la biodiversité, l'urbanisation a amené des maladies nouvelles contre lesquelles nous ne sommes pas armés. Et c'est sans doute pas fini. Donc, je pense que ce qui va vraiment changer, c'est le regard sur l'importance de la recherche scientifique, l'importance de cette veille scientifique, l'importance du rôle des chercheurs, l'importance d'une recherche qui avance en permanence pour que la société puisse vivre avec toutes ces maladies qui arrivent. Moi, je me rappelle d'avoir parlé très souvent à des gens sur ces phénomènes de résistance aux antibiotiques. Les gens avaient du mal à comprendre que une période était terminée, que cette période d'utiliser les antibiotiques chaque fois qu'il y avait une petite maladie infectieuse, cette période, elle est terminée. Maintenant, tout le monde le sait, mais ça a été difficile de le faire savoir. Donc, je pense qu'on va peut-être aussi arriver à une période où la société sera plus demandeur de connaissances scientifiques. Peut-être qu'on va faire un peu plus appel à nous pour comprendre qu'est-ce que c'est un virus, qu'est-ce que c'est une bactérie, qu'est-ce que c'est un parasite, qu'est-ce que c'est ce médicament qu'on utilise à tel moment, pourquoi on ne l'utilise pas à tel autre moment. Je pense qu'on va aussi avoir une société qui va être plus à la demande de connaissances scientifiques. Bon, en tout cas, je l'espère. Eh bien, espérons que la société vous entende et que ce soit une prévision qui se réalise dans le futur. Merci beaucoup, Pascal Cossard, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure spéciale de reprise d'antenne de la méthode scientifique. On est ravis d'avoir pu évoquer ce monde d'après scientifique en votre compagnie. Merci à toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique, sans qui tout ce travail que nous fournissons depuis le début de l'épidémie serait littéralement impossible. Donc, je tiens à les remercier aujourd'hui particulièrement très, très, très chaleureusement. Antoine Beauchamp, Alexandra Dell, Bosséline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Natacha Triou, Eve Etienne, c'était Thomas Jost aujourd'hui à la réalisation. Un coucou particulier évidemment à notre camarade Olivier Bétard et à nos camarades de la technique Ludovic Auger et Jacques Hubert. La journée spatiale se poursuit sur France Culture avec le temps du débat où vous retrouverez Emmanuel Laurentin tout à l'heure aux alentours de 18h qui demandera à ses invités si le monde d'après sera si différent. Ce sera une continuité de notre discussion. Nous, on se retrouve dès lundi à 8h55 pour de nouvelles radiographies du coronavirus. Chaque mercredi à 9h pour une session vidéo de questions-réponses scientifiques sur cette épidémie via les réseaux sociaux de France Culture. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches et portez-vous bien jusqu'à preuve du contraire.